promesses et toutes ces voix qui jacassent, te fatiguent et t'ennuient, et tous ces gens qui te froissent, te coupent toute envie de folie, d'utopie. Y a plus d'amour sur ton parcours et toi tu cours. C'est l'amour autour qui t'entoure, c'est sans recours. Trop de rapaces dans ton espace, ça te tracasse. Trop de rapaces sur ton espace, où est ta place? Parfois il rapplique chez toi quand il est au radar. Sur son sort il s'apitoie, le genre de lascar qui te fout le cafard. Il sonne faux, ses mots sont vides, il semble léthargique, mais ses calculs sont perfides, c'est dans son optique. Je te prends, je te pique, y a plus d'amour sur ton parcours, et toi tu cours. C'est l'amour autour qui t'entoure, c'est sans retour. Trop de rapaces dans ton espace, ça te tracasse. Trop de rapaces sur ton espace, t'as plus de place. Côté facture, il t'assure, ça t'affole, ça te gêne. Mais une voix te susurre, ça vaut pas la peine. Faut maîtriser ta haine. Jour après jour, tu maintiens un équilibre précaire. Dans le doute, tu t'abstiens de voir la misère de ton compte bancaire. Y a plus d'amour sur ton parcours, et toi tu cours. C'est l'amour autour qui t'entoure, c'est sans retour. Trop de rapaces dans ton espace, ça te tracasse. Trop de rapaces sur ton espace, où est ta place? Y a plus d'amour dans ton parcours.